charnière géographique naturelle entre l'Europe du Nord et la façade méditerranéenne, Lyon est située au cœur de la région Rhône-Alpes. Capitale historique des Gaules, ville chaleureuse aux traditions vivantes, ville idéale pour les amoureux des plaisirs de la table, ville de la gastronomie connue dans le monde entier grâce à ses grands chefs comme Paul Bocuse. Lyon, la ville aux deux cours d'eau qui vous offre le charme de ses quais en bordure du Rhône et de la Saône. Lyon, à 2 heures de TGV de Paris, à proximité de la Bourgogne, du Beaujolais, des Alpes, de la Suisse, de la Provence. Pour découvrir cette belle et grande ville de France, notre guide s'appelle Jean-Sébastien Petit-Demange. On l'a dit, secrète, froide, frimeuse, gorgée de fortunes cachées, c'est vrai. Mais on ne peut qu'aimer cette capitale régionale posée entre le Rhône et la Saône. Lyon est une ville fière et belle. Fière, car ici on est lyonnais, de la Croix-Rousse à Vaux-en-Velin. Belle comme le jour qui se lève et se glisse sur Fourvière, comme cette avalanche de toits du vieux Lyon qui sortent de la brume un matin d'hiver. Lyon se savoure quand les petits blancs et les petits noirs se mélangent au comptoir d'un bar. Impossible de vous résumer 2000 ans d'histoire. Les origines de Lyon remontent au début de notre ère, lorsque Jules César décide de fonder une colonie pour ses vétérans. Et au fur et à mesure du temps, elle est devenue la capitale de l'imprimerie, de la soie et de la gastronomie, avec notamment ces fameux bouchons. Lieu de passage entre le nord et le sud, l'histoire raconte que pendant que les hommes faisaient ripaille et dormaient à l'auberge, les chevaux, eux, se faisaient bouchonner avec des bottes de paille. Et on accrochait un bouchon de paille à l'enseigne de ces auberges. Plus de chevaux aujourd'hui, mais on y mange toujours une cuisine simple, roborative, goûteuse, avec tous les grands classiques, comme au Café des Fédérations, 8 rue du Major Martin, dans le 1er arrondissement de Lyon, une des institutions où l'on déguste toute la vraie cuisine lyonnaise dans un décor vraiment typique, tablier de sapeur, tête de veau ravigote, le plat préféré du président Jacques Chirac, des charcuteries, des salades de pommes de terre, de lentilles, tout cela en pagaille et en quantité. Et ensuite, il faut aller se perdre dans le vieux Lyon, un des plus grands quartiers d'Europe de style Renaissance, composé de rues au parfum d'antan, un miracle de pierre, un plaisir pour les yeux. Vous allez trouver la cathédrale Saint-Jean, la primatiale des Gaules, mélange de roman et de gothique qui se fondent parfaitement. Balade ensuite dans la rue Saint-Jean, la colonne vertébrale du quartier, pleine de ces fameuses traboules qui font le charme de Lyon, des passages privés construits pour gagner de la place, qui permettent de passer d'une rue à une autre sans être vu. Ils furent plus d'une fois utiles, comme l'explique Régis Néré, historien de la ville de Lyon. Ces traboules, elles ont été utilisées pour des tas de choses. Elles étaient utilisées pour promener les ballots de soie à l'abri de la pluie ou des intempéries. Et puis au moment de la résistance, elles ont été très utiles parce que plusieurs de ces traboules n'ont pas seulement une entrée dans une rue et une sortie dans une autre, mais elles ont très souvent 3 ou 4 entrées ou sorties sur des rues différentes. Donc, ça a été largement utilisé par les résistants pour échapper à leurs poursuivants. Sur la presqu'île de Lyon, il faut se promener place Bellecour, tracée au début du XVIIIe siècle, et puis sur la place des Terreaux, qui fut le lieu des marchés aux cochons et des exécutions capitales pendant la Révolution française. Aujourd'hui, on trouve 69 fontaines au ras du sol, illuminées par des fibres optiques, mettant en valeur la somptueuse fontaine de Bartholdi, le constructeur de la Statue de la Liberté. Bien sûr, il y a la Croix-Rousse, qui fut le quartier de prédilection des canuts, les ouvriers de la soie, avec des maisons hautes qui pouvaient accueillir les grands métiers à tisser et jacquard, et puis la Part-Dieu et le quartier moderne Tony Garnier, et puis il y a tous les musées de Lyon à visiter, dont l'Institut Louis Lumière, sur les traces des frères Lumière, les inventeurs du cinématographe. À la fin du 19e siècle, il y a eu une période d'invention tout à fait considérable. Le plus connu, ou les plus connus de nos inventeurs, ce sont les frères Lumière, qui ont inventé le cinématographe en 1895. Edison avait déjà inventé la façon de tourner des images animées, mais qu'une seule personne pouvait voir à la fois. Et Lumière a inventé le système qui a permis de faire des projections publiques, et c'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine vraiment du cinéma d'aujourd'hui. Et de l'autre côté de la rue du premier film, on visite le hangar des frères Lumière, qui fut le premier décor de cinéma au monde. Alors, dernière étape obligatoire dans cette balade dans Lyon, le mythique Guignol. Il est né au début du 19e siècle, un spectacle de marionnettes à l'origine conçu pour les adultes, et que la compagnie des Zonzons perpétue avec modernité en adaptant les thèmes de l'actualité autour de Guignol et Niafron. À ne manquer sous aucun prétexte lors de votre voyage à Lyon.